une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de votre histoire particulière du week-end, Olivier Chomel et Lionel Quentin nous ont emmenés en Allemagne après la construction du mur de Berlin. Imaginez-vous séparés de vos proches, de vos enfants, de vos parents, de votre mari, du jour au lendemain. Imaginez-vous pour certains ne plus jamais les revoir. Imaginez-vous tentant de vous évader coûte que coûte, au péril de votre vie pour aller les rejoindre. Imaginez-vous franchir le mur de la honte en creusant un tunnel. Il y a eu 75 tentatives de franchissement du mur de Berlin par le sous-sol. 19 ont été couronnées de succès. Imaginez-vous pendant 5 mois, comme Joachim Neumann, creuser 4 tunnels. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1964, 57 personnes réussiront à s'évader. Ce sera l'histoire du tunnel 57, dont voici la suite. Tunnel 57, second épisode. Egon Schulz, un héros démocratique allemand. Allô ? Sind Sie so lieb und können mal die Tür öffnen? Auriez-vous l'amabilité d'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Vom Rundfunk, wir machen eine Reportage. Nous faisons un reportage sur Egon Schulz pour la radio. Das war mein Jugendfreund. C'était mon ami de jeunesse. Mein Name ist Michael Bade. Je suis Michael Bade, écrivain à Rostock. Und ja. Oui. Nein, non. Nein, meine gute, non, ma chère. Das wäre sehr schön, wenn Sie ganz ce serait bien que vous descendiez könnten. Quelques instants. Nicht. Gut. Bon. So, das ist hier original hier. C'est d'origine ici. Hier. La rampe d'escalier. Wir befinden uns jetzt in dem Haus, Strelitzer Straße 55. Nous sommes au 55 de la Strelitzer Straße. Ist das Treppenhaus? Dans la cage d'escalier. Und jetzt gehen wir genau denselben Weg. Nous empruntons exactement le même chemin que 57 fugitifs. Hommes, femmes, enfants. Je suis ravi qu'ils aient réussi. Und leider auch die SS-Offiziere. Hélas que les officiers de la Stasi. Soldaten und Egon Schulz. Et qu'un groupe de soldats, dont Egon Schulz. Wir sehen und gehen jetzt genau. Nous suivons exactement le même chemin maintenant. Quiconque a suivi les Jeux Olympiques d'été jusqu'en 1988 inclus connaît cette air. C'est l'hymne de la République démocratique allemande, composé par Hans Eisler. Et ici enregistré lors des cérémonies du 15e anniversaire de la RDA, le 7 octobre 1964, deux jours après la mort du garde-frontière Egon Schulz à l'âge de 21 ans. Les Jeux de 64 se tenaient à Tokyo. On n'y a pas entendu la musique de Eisler, ni le Deutschland über alles de l'Allemagne de l'Ouest d'ailleurs, pour la bonne raison que les deux Allemagnes concouraient ensemble. Et lorsqu'elles gagnaient une médaille d'or, on jouait à la place l'Ode à la joie, qui est aujourd'hui l'hymne européen. La guerre froide était décidément un bien étrange objet géopolitique. Cette année 1964, avant, pendant et après les Jeux Olympiques, une poignée de jeunes gens avaient consacré 5 mois à percer un tunnel sous le mur de Berlin depuis l'Ouest pour faire évader leurs camarades de l'Est. Le mot de passe pour établir le contact entre les passeurs et les candidats à l'évasion était « Tokyo ». Ungefähr dort, wo jetzt diese grüne Hecke vers zu sehen cette haie là-bas, ja, dort stand ein Toilettenhäuschen. Il y avait des toilettes. Also dans une cabane. Das waren arme Arbeiter zu Kaiserszeiten. Les travailleurs qui vivaient là du temps de l'Empire. Keine eigene Toilette, kein eigenes Bad. N'avaient pas de toilettes ni de salle de bain individuelle. Auf den Hof gehen, et ils allaient aux toilettes dans la cour. Es ein Toilettenhäuschen gab mit drei Herzchen. Il y avait 3 petits cœurs découpés dans la porte. Mais en 1964, cette petite cabane d'aisance, on va dire, était désaffectée ou est-ce qu'elle servait encore? Zum Glück nicht. Die waren schon lange stillgelegt. Elle était désaffectée und depuis longtemps. Der Tunnel wurde heureusement auf der Westberliner Seite gegraben. Le tunnel partait du côté ouest depuis le 97 de la Bernauer Straße. in die Erde getrieben von 12 Metern Länge. Ils avaient creusé un puits à 12 mètres de profondeur. Dann geradeaus weiter 145 Meter lang. Et de là 145 mètres de long. Für die Westberliner Fluchthilfe, nämlich ursprünglich sollte der Tunnel hier. Pour la chance des passeurs de Berlin-Ouest, le tunnel était censé arriver là, dans une cave à patates. Es war ein Zufall, dass im Toilettenhäuschen. Mais il est arrivé par hasard en dessous du petit cabanon. Nicht geplant. Es war ein Zufall. Ça n'était pas prévu. Passé à l'ouest fin 1961, Joachim Neumann s'était fait un devoir d'aider ses amis restés à l'est, et surtout de faire évader sa fiancée. Après plusieurs tentatives, Christa est arrivée à Berlin-Ouest, la première des deux nuits d'ouverture du tunnel 57, le soir du 3 octobre 1964. Als wir eigentlich schon aufhören wollten, es war schon kurz vor Mitternacht. À vrai dire, da kam on voulait s'arrêter là, un peu avant minuit. In der letzten Nacht Christa gebracht hatte zu mir und sagte, et le copain qui m'avait amené Christa la veille est venu me voir et m'a dit, il y a un truc qui ne va pas. Er erzählte mir, dass zwei Männer da waren, die il m'a expliqué qu'il y avait là-bas deux hommes qui voulaient passer, sind, um einen mais qui étaient partis pour aller en chercher un troisième. Das erschien uns natürlich sehr et ça nous a paru merkwürdig. Évidemment très bizarre. Wir haben beschlossen, wir wollen uns alle an das Toilettenhäuschen zurückziehen. Et on a décidé de se replier vers les toilettes de la cour pour pouvoir se sauver vite en cas de danger. On n'aime pas du tout l'imprévu dans ce genre d'entreprise. Ja. Jedenfalls ging mein Freund wieder zurück. En tout cas, mon copain est retourné vers le couloir de l'immeuble pour avertir notre quatrième homme de ce qui se passait. Kam dann plötzlich über den Hof gerannt. Und rief ganz laut, il est revenu en courant et en criant « Danger, danger, on se barre !» Et il a sauté dans le trou. Ich natürlich nicht erst gefragt, was los ist, sondern bien sûr, je n'ai pas demandé ce qui se passait et j'ai aussi tout de suite sauté dans le trou. Und alle in den Tunnel hineinrutschten und dann natürlich in großer on s'est précipité dans le tunnel et on a vite rampé vers Berlin-Ouest dans la panique la plus totale. Da oben war eine Hoflampe. Là-haut, il y avait une lampe pour éclairer la cour, comme aujourd'hui, mais moins belle. Et Egon est apparu, la lampe l'a éclairé. Ici, il y avait les passeurs. Les passeurs avaient leurs pistolets en main et ont tiré sur Egon. C'est établi. Ça veut dire que c'est un meurtre. C'est comme ça qu'on a été élevés. C'était un meurtre. Jetzt ist alles schick hier. Wir können die Einschusslöcher maintenant, nicht c'est sehen. Très chic ici. Hier, on ne voit plus les impacts des balles, mais ici, ungefähr sieben il y avait environ sept impacts sehen, de l'arme de Christian Zobel, der sich ungefähr dort befand. Qui se tenait de ce côté. Wie gesagt, Egon kam hier raus. Zobel stand dort ungefähr, comme j'ai dit, wo die Treppe sich befand, Egon est sorti par là. Zobel était à peu près où il y a les escaliers, je dirais. Tunnel, là, les toilettes. Stockdunkel in dieser Nacht. Il faisait nuit noire, il n'y avait pas de lune cette nuit-là. Keiner wusste, wo ist Freund, wo ist Feind. Personne ne savait où étaient les amis, où étaient les ennemis. Donc vous avez rampé le plus rapidement possible vers Berlin-Ouest. Sans savoir ce qu'avaient donné les échanges de coups de feu que vous aviez entendus dans la cour de la Strelitzer Straße 55. Ja, also ich habe gar nichts gewusst. Und als wir dann dort, je n'ai pas su du tout. Waren, quand on s'est retrouvé à nouveau dans cette cave à Berlin-Ouest, notre copain vous a raconté ce qui s'était passé, du moins comme il l'avait compris. Trois hommes sont arrivés dans le couloir. Et mes amis se disaient que c'était les trois qui voulaient s'enfuir. Mais ils se sont aperçus tout d'un coup que le troisième portait un uniforme et un pistolet mitrailleur. Là, L'un de nous a pu se précipiter, traverser la cour à toute vitesse vers les toilettes. C'était celui qui nous avait averti du danger, mais l'autre ne pouvait pas le suivre. Il se serait exposé au tir du pistolet mitrailleur. C'était Christian Sobel. Il était de l'autre côté dans un coin de la cour. Il s'est mis à courir vers les toilettes. Il a tiré dans le noir en courant. Pour se couvrir du soldat avec son pistolet mitrailleur. Il nous a raconté, quand nous nous sommes retrouvés dans la cave à Berlin-Ouest, qu'il pensait avoir touché quelqu'un parce qu'il avait entendu quelqu'un qui geignait. C'était tout ce qu'on savait alors. Et le lendemain, on a entendu au journal de la radio est-allemande qu'un sous-officier des gardes-frontières avait été abattu. Et les nouvelles de Berlin-Est nous disaient qu'un groupe d'agents de l'Ouest avait creusé un tunnel pour passer sous le mur et tuer un sous-officier des gardes-frontières. Il ne disait absolument rien des évadés. Inter-actualité. 7 octobre 1964. Un rappel, l'une des plus importantes évasions collectives du secteur Est depuis la construction du mur vient de réussir. 57 personnes, dont 31 femmes et 3 enfants, sont passées clandestinement à l'Ouest. Le moyen adopté était le seul possible, un tunnel sous le mur de Berlin. Un tunnel creusé patiemment et secrètement pendant des mois à partir de la cave d'une maison. Travail incroyablement difficile puisqu'il faut franchir une bande de terrain de 100 mètres déclarée zone interdite et littéralement truffée de micros pour détecter les forages. Le tunnel a d'ailleurs été découvert par la police populaire au moment même où le dernier groupe de fugitifs s'y engageait. Pour couvrir leur départ, l'un des passeurs a ouvert le feu tuant un sous-officier d'Allemagne de l'Est. Le gouvernement de Pankow a violemment protesté contre ce qu'il appelle un attentat. Il a également protesté contre l'arrivée à Berlin-Ouest du chancelier fédéral Erhard, venu présider son groupe parlementaire dans la capitale allemande. Rappelons que pour l'Allemagne de l'Est, Berlin-Ouest n'appartient pas à la République fédérale. Also, wir stehen jetzt vor der Nummer 55. Strelitzer Straße. Strelitzer Straße. Nous sommes devant le 55 Strelitzer Straße. Den Namen von Egon Schulz. Elle a pris le nom d'Egon Schulz en 1966. Zu dieser Ortszeit befand sich hier eine Gedenktafel mit dem Titel. À l'époque de la RDA, il y avait une plaque commémorative qui disait ceci. Dans le couloir de cette maison, le 5 octobre 1964, le sous-officier Egon Schulz, né le 4 janvier 1943, a été lâchement assassiné par des agents de Berlin-Ouest dans l'exercice de ses fonctions de protection de la frontière de la RDA. Michael Bade, vous êtes tout à la fois poète, écrivain, éditeur. Vous avez notamment publié un livre qui s'appelle Der Tod des Grenzsoldaten, un livre truffé de documents, qui est consacré à l'affaire dont on parle, au cours de laquelle Egon Schulz perd la vie. Il était donc garde-frontière côté Est. Et c'était votre ami Egon Schulz. Vous vous êtes connu à Rostock? Egon Schulz und ich haben zusammen studiert. Egon Schulz et moi avons fait nos études ensemble. Sind wir beide in Rostock als Lehrer eingesetzt worden. Ensuite, on a été nommés prof à Rostock, tous les deux. Et votre ami Egon Schulz est parti au service militaire. Donc il est resté pas tout à fait un an dans les rangs de l'armée populaire nationale. Puisqu'il est mort. Ja. Sa mort, vous l'avez apprise dans le journal. Ich weiß es heute noch. Je m'en souviens encore. Ich schlage die Seite auf. Es war gleich auf der ersten Seite. J'ai pris le journal. Im Neuen Deutschland, damals Zentralorgan. C'était en première page du Neues Deutschland. Der SED. L'organe central du Parti communiste de la RDA. Unteroffizier Egon Schulz. Le sous-officier Egon Schulz a été lâchement abattu par des agents de l'Ouest. Und sein Foto. Avec sa photo, breiten schwarzen Trauerrand, ornée d'un crêpe noir. Ich konnte es nicht begreifen. Je ne pouvais pas y croire. Bin Je suis allé tout de suite chez ses parents au 16 de la Karl-Marx-Straße. Une maison ordinaire. Warum erzähle ich das? Ich komme die Treppen hoch. Je monte les escaliers. Die Mutter sieht mich. Ma mère me voit. Et crie. Und vor 14 Tagen. Deux semaines avant, j'étais venu par le même bin chemin. Denselben Weg gegangen, hab geklingelt, j'avais sonné. Nous étions allés à la mer, Egon et moi. Und wir sind nach Warnemünde gefahren. À Warnemünde. Ein strahlender Sonnentag. Un jour de soleil. Magnifique. Wir sind spazieren gegangen in Warnemünde. C'était promené. 14 Tage davor. C'était deux semaines avant. Erschüttert erhält die Arbeiterfamilie Schulz in Rostock die Nachricht. Bouleversés, les Schulz, une famille d'ouvriers de Rostock, reçoivent la nouvelle. Und heute schrieb ein Brief, dass am 19. wieder in Urlaub kommt. Et j'ai reçu une lettre aujourd'hui qui dit qu'il reviendrait en permission le 19 jusqu'au 21, qu'il irait voir à l'école. Il allait toujours à l'école. Et aujourd'hui, c'est sa dernière lettre. Wir kriegen ihn nicht wieder zu sehen. On ne pourra plus jamais se revoir. Es ist sehr schwer. Vielleicht hier ein Wort des Trostes. C'est très dur de trouver un mot de consolation pour Madame Schulz. Wir möchten doch, mais nous voudrions pourtant, au nom de nos collègues de la radio de la République démocratique allemande et bien sûr au nom de nos auditeurs, exprimer du fond du cœur nos condoléances. Vielleicht, wenn es ein Wort des Trostes gibt. Schauen Sie, ich war heute Vormittag in der Schule, an der ein Jahr. Je suis allé ce matin à l'école pendant les cours et j'y ai vu les élèves et les pionniers monter une garde d'honneur. J'ai assisté à l'appel et j'ai parlé avec les instituteurs et je n'ai vraiment entendu dire que du bien d'Egon. Il était bon camarade, quelqu'un sur qui on peut compter. Et il était aussi très apprécié à l'armée. Ses supérieurs l'aimaient beaucoup. Il voulait donner des cours pour former les autres et se former lui-même. Il avait encore tellement de projets. Mais c'est du passé. Je ne peux pas croire que ce soit comme ça, pour toujours. Qu'il ne reviendra plus jamais. À partir du 6 octobre 64, la presse est-allemande parle énormément de la mort d'Egon Schulz et puis on organise ses obsèques le 9 octobre à la caserne Friedrich Engels à Berlin. Auf dieser Trauerfeier hat Erich Honecker. Lors de cette cérémonie funéraire, Erich Honecker a prononcé un discours qui est retranscrit mot à mot dans mon livre. Liebe Eltern, chers parents, lieber Bruder Armin, cher frère Armin, verehrte Trauergäste, vous tous unis dans la peine, liebe Freunde und Genossen, chers amis et camarades, tief erschüttert stehen wir an der Bahre unseres Freundes und Genossen. Nous sommes profondément ébranlés. Egon Schulz. Auprès du cercueil de notre ami et camarade Egon Schulz. Am 5. Oktober wurde auf dem Gebiet le 5 octobre der Deutschen Demokratischen Republik sur le territoire de la République démocratique allemande die aus West-Berlin kamen heimtückisch ermordet. Il a été perfidement assassiné par des bandits venus de Berlin-Ouest. Wir müssen jetzt von dir Abschied nehmen. Nous devons maintenant prendre congé de toi, Egon Schulz. Camarade sous-officier Egon Schulz. Du warst ein echtes Kind unserer Republik. Tu étais un vrai enfant de notre République. Deinem sozialistischen Vaterland. Et tu lui as donné à ta patrie socialiste. Was du besaßest. Ce que tu possédais de plus précieux. Dein junges, blühendes Leben. Ta vie, jeune et florissante. Nun stehen wir schmerzerfüllt an deiner Bahre. Nous voilà emplis de douleur. In tiefer auprès de ton cercueil. in zorniger Trauer, dans un deuil profond et enragé, und angesichts der Tränen deiner Mutter, et face aux larmes de ta mère, die dich, ihren lieben Sohn beweint, qui te pleure, toi, son fils adoré. Klagen wir vor aller Welt deine Mörder an. Devant le monde entier, nous dénonçons ton assassinat et accusons les petits et les grands, ceux qui protègent les assassins et leurs serviteurs à Berlin-Ouest et à Bonn. Wir klagen ein System an, nous accusons un système das den Mord zur politischen Waffe macht, qui fait de l'assassinat une arme politique. En Allemagne de l'Est, ça ne fait doute pour personne, Egon Schulz a été abattu par des agents de l'Ouest. Et d'ailleurs, à l'Ouest non plus, ça ne fait pas de doute. Sie haben recht. Ich kann mich Vous avez raison. Erinnern. Eltern, der Bruder, Verwandte, Bekannte, Kollegen, Freunde. Je ne me souviens pas que les parents, le frère, la famille, les connaissances, les collègues, les amis, aient eu le moindre doute là-dessus. Dasselbe. À Berlin-Ouest, pareil. Der Westberliner Fluchthelfer Christian Zobel, der geschossen hat. Le passeur berlinois de l'Ouest, Christian Zobel, qui a tiré, s'est livré à la police de Berlin-Ouest. Und später ein Interview gegeben. Et ensuite, mit der Überschrift, il a donné une interview à un journal dont le titre était « J'ai abattu le Vaupeau ». Et qu'est-ce que vous pensiez intimement de toute cette agitation qui était faite autour de la mort et de l'héroïsation d'Egon Schulz avec l'inauguration de la rue ici à Berlin, de la Oberschule à Rostock et tous ces honneurs qui lui sont rendus. Da hätten Sie lieber die Eltern fragen sollen. Vous auriez dû poser la question aux parents. Die Mutter besonders, die das jedes Mal wieder durchlebte. Sa mère particulièrement, qui revivait ça chaque fois. Jahr gab es einen Anlass. Tous les ans, il y avait des occasions. Es gab Egons Geburtstag am 4. Januar. L'anniversaire d'Egon, le 4 janvier. Den 1. März, Tag der Nationalen Volksarmee. Ensuite, il y avait le 1er mars, jour de l'Armée Populaire Nationale. Oktober, Tag der Republik National. En octobre, la fête de la République. Dezember, Tag le 1er décembre, la fête des gardes-frontières. Geburtstag, Todestag. Anniversaire de sa naissance, de sa mort. Il y avait sans arrêt des prétextes pour remettre ça en scène. Aufzuwühlen, immer wieder mit dem Trauermarsch. Avec la marche funèbre de Chopin à chaque fois. Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin. Diese Endlosspirale. Cette spirale sans fin. Wir haben alle geglaubt, dass der Christian Zobel. Nous avons tous cru que Christian Zobel avait abattu cet homme sans le vouloir. Christian lui-même l'a cru. Wir haben erst 30 Jahre später aus den Et on a appris 30 ans plus tard, par les actes de la Stasi, que ça s'était passé autrement et que ce sous-officier avait été abattu par mégarde par ses propres camarades. Christian hat das nie mehr erfahren, er ist leider vorher gestorben. Christian ne l'a jamais appris. Malheureusement, il est mort avant. Das wichtigste Dokument war das Obduktionsprotokoll. Le document le plus important, c'était le rapport d'autopsie. War verschwunden. Et ce rapport avait disparu. Sie haben überall gesucht. Ils ont cherché partout. Es wurde nicht gefunden. On ne l'a pas trouvé. Weil keiner auf die Idee kam, dass dieses medizinische Protokoll sich nicht in der Medizin befand. Et personne n'a eu l'idée que ce rapport ne se trouvait pas dans le monde médical, mais à la Normannstraße, dans les archives du camarade ministre Milke. Erich Milke était le ministre de la sécurité de l'État, c'est-à-dire le grand patron de la Stasi. Ja. Seit 1950. De 1950 à 1989. Et cette pièce capitale, Michael Bade, établit que dieser Vorgang umfasst 27 Seiten. Elle fait 27 pages. Und enthält die Wahrheit. Et contient la vérité. Also zum ersten Mal ist von Schüssen aus der MP Kalaschnikow die Rede. Il est question d'abord des tirs de Kalaschnikow. Von Schüssen. Et pas seulement des tirs des Berlinois de l'Ouest. Und jetzt kommt das Wichtigste. On arrive au plus important. Auf dem Deckblatt steht der Verteiler. Sur la page de garde du document figurait sa répartition. Erstes Exemplar, original, Genosse. L'original allait au camarade ministre. Le deuxième exemplaire allait au camarade commandant Steinitz. Les troisième et quatrième à la section principale des services. Dieses Dokument. Et voilà la phrase la plus importante. Ce document n'est pas sorti de la Stasi. Ça veut dire que seuls ces quatre personnages connaissaient la vérité. Eine Freundin hat mir mal gesagt, une amie m'a dit un jour, wenn wir tot sind, quand nous serons morts, wir an keinen endgültigen Tod, sondern an nous ne croyons pas à une mort définitive, im Jenseits, mais à un prolongement de la vie dans l'au-delà, wo wir auch liebe Menschen wiedersehen werden, où nous reverrons les gens que nous aimons. Daran glaube ich. Et j'y crois. Dann werde ich gleich Egon wiedererkennen. Je vais tout de suite reconnaître Egon là-haut. An seinen schönen gewellten Haaren, an seinen Grübchen, à ses beaux cheveux ondulés, à ses fossettes. Anspreche, wird Egon mais grußlos quand je lui adresserai la parole, Egon passera devant moi parce qu'il ne me reconnaîtra pas. Ich werde dann mit ihm sprechen über unsere Pläne. Als junge Lehrer, lui parlerai de nos projets de jeunes instits konnten, que nous n'avons pas pu réaliser. Ich werde über diesen furchtbaren Tag sprechen, als Egon, je lui parlerai de ce jour terrible dont il n'a jamais pu parler. Hineingeschickt wurde in den sicheren Tod von zwei Männern, il a été envoyé vers une mort certaine par deux hommes de la Stasi. Die Egon und seine Kameraden nicht informiert haben, qui n'ont pas informé Egon et ses camarades passieren kann, de ce qui pouvait les attendre, dass es sich um ein laufendes Fluchthilfeunternehmen handelt, parce qu'il s'agissait d'une évasion en train de se faire. Vor dir steht ein Mann, ungefähr devant so toi se tient un homme er sieht dich an, à peu près du même âge. Langsam, il te regarde langsam, et lentement, très lentement, il recule et l'obscurité le recouvre. Für dich bleibt pour toi eine Nacht reste une nuit morgue. Sans matin. Genau hier befand sich eine große Blutlache. Ici, genau exactement, hier ist Egon, il y avait une grande barre de sang. C'est exactement ici qu'Egon est mort. Was wissen die Menschen, die hier wohnen? Que savent les gens qui vivent ici aujourd'hui? Jeden Tag achtlos. Ici, tous les jours, les gens vont et viennent. Darüber getreten, wo sich, wie gesagt, eine große sans se soucier qu'il y avait eu là une mare de sang. Und ein unschuldiger Mensch sein Leben gelassen hat. Et qu'un homme innocent a laissé sa vie. L'ouverture des archives de la Stasi a levé le malentendu. Egon Schulz, le héros démocratique allemand, et Christian Zobel, le bandit capitaliste, sont devenus, à égalité, des victimes de la guerre froide, parmi tant d'autres. Tunnel 57, second épisode, avec Michael Bade, écrivain, ami d'Egon Schulz, Joachim Neumann, perceur de tunnel récidiviste. Traduction Marie Heck et Françoise Schmitt. Voix française, Michel Vivier, Jean-Georges Brunet, Nathalie Duong et Renaud Bertin. Merci à l'association Berliner Unterwelten, les mondes souterrains de Berlin, et aux archives de la radiodiffusion allemande. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, documentation d'actualité Patricia Miura, prise de son Thibaut Nassim Ben et Julien Douminc, mixage Philippe Mercher. Egon Schulz, un héros démocratique allemand. Lionel Quentin, Olivier Chaumel. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler de zoos humains. Mais c'est une autre histoire.